Installez-vous, je vous prie. Là ? Alors, là ? Comment vous sentez-vous ? Avez-vous pris conscience de votre état ? Psychopathe, névropathe. Il y a longtemps que ça me glace. Psychopathe, névropathe. J'en ai marre de prendre des claques. Psychopathe, névropathe. Je prends le micro et je t'épate. J'ai envie de tuer quelqu'un en attendant, je prends tes watts. Psychopathe, névropathe. Il y a longtemps que ça me glace. Psychopathe, névropathe. J'en ai marre de prendre des claques. Psychopathe, névropathe. Je prends le micro et je t'épate. J'ai envie de tuer quelqu'un en attendant, je prends tes watts. Y a des jours, je me demande si tout est normal. Si pour tuer son prochain, faut un accord parental. Parce qu'au niveau du respect, y a longtemps que ça fait mal. Les mecs qui croient que pour y arriver, il faut tuer tous les mâles. Bon, ok, je reconnais, pour les meufs ça altère. On les met tout dans le trou, on fume une clope. Après, tout ce qu'on a à se dire, c'est une question de respect. Parce qu'il faut se faire une putain de scène pour avoir la paix. Alors pisse un coup de gris que je me lisse sur la piste de ski. Tu t'agrippes à ma grippe comme à Monoprix. Parce que notre son tout kiffe comme du Jamalski. Assis au pont tu slips comme si t'étais en autarcie. Un husky me guide sur la banquise. Prêt comme un garçon, je slalom entre les marquises. Je trace dans l'axe, une clope je taxe. Et ça vole encore pour me faire la vie. Psychopathe, névropathe. Il y a longtemps que ça me glace. Psychopathe, névropathe. J'en ai marre de prendre des claques. Psychopathe, névropathe. Je prends le micro et je t'épate. J'ai envie de tuer quelqu'un en attendant je plante tes watts. Psychopathe, névropathe. Il y a longtemps que ça me glace. Psychopathe, névropathe. J'en ai marre de prendre des claques. Psychopathe, névropathe. Je prends le micro et je t'épate. J'ai envie de tuer quelqu'un en attendant je plante tes watts. Ouah, névropathe depuis le berceau. Je joue avec les mots, les embriques, tels des Mikado. Fais des démos, les envoie puis aussi prends des gros râteaux. Je recommence et je m'applique et je repars du point zéro. Tous les samedis soirs en quête, quête, quête, mais pas de quête à non mec. Pas besoin de ça, les trous noirs, très peu pour moi. Moi la tête sur les épaules, dans mes poches du bon c'est lâche. Et mes proches des bons gars, des accros au bar tabac. Le genre cool mais triste, on sait pas vraiment pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement ce jour là j'étais pas là. J'étais malade, comme dame tracale détruise mon estomac. Mon soma part en prix, j'ai rendez-vous et quelqu'un coma. Syndrome Peter Pan dans ma tête encore un petit enfant. J'fais des rêves tout bizarres toutes les nuits, j'perds mes dents. Y'a des nains en cerf-volant qui poursuivent et me frappent. Même si m'a prévenu son diagnostic névropathe. Psychopathe, névropathe. Y'a longtemps que ça me glace. Psychopathe, névropathe. J'en ai marre de prendre des claques. Psychopathe, névropathe. J'prends le micro et j't'épate. J'ai envie de tuer quelqu'un en attendant je plante tes watts. Bon, écoutez, ce n'est pas si dramatique que ça. Ah bon, c'est une petite névrose. Encore ? Rien de bien grave. Ouais, c'est ça. Encore quelques séances, un traitement approprié. Oh non. Et vous vous sentirez bien mieux. Mieux ? Néanmoins, je vous conseille toutefois de prendre un peu de repos. Vous en avez besoin. Ouais, ça, d'accord. Vous êtes introverti. Quoi ? Il serait bon que vous exprimiez vos soucis. Ah ouais ? Je vous conseille de chanter. Ah mais ouais ! C'est un très bon exercice. Montez une chorale ah, tous oui. les deux. Tentez, et produisez-vous oui, en public. Oui. Psychopathe, névropathe. Y'a longtemps que ça me glace. Psychopathe, névropathe. J'en ai marre de prendre des claques. Psychopathe, névropathe. J'prends le micro et j't'épate. J'ai envie de tuer quelqu'un en attendant je prends tes watts. Quelque chose comme ça, c'est très bien. Ouais. Pour le règlement, vous verrez avec ma secrétaire. À la semaine prochaine, les neurones en HP. Au revoir. Oh là là.